Chapitre 11e. Adolphe et Juliette étaient mariés depuis 5 ans, et dans leur entourage, ils passaient pour les gens les plus heureux du monde. Il était universellement admis que c'était ce qu'on est convenu d'appeler un charmant ménage. On les citait comme des modèles. « Voyez, monsieur Dalifard, » disaient les femmes à leurs maris. « Voyez, madame Juliette Dalifard, » disaient les maris à leurs femmes. Il n'est pas difficile d'être aimable quand on a une femme comme madame Juliette Dalifard, répliquaient les maris. Il est facile d'être douce quand on a un mari tel que monsieur Adolphe Dalifard, répondaient les femmes. Et ainsi chacun se renvoyait la balle. De Juliette, on ne voyait que sa beauté en plein épanouissement, avec quelque chose de mélancolique qui parlait à l'âme. Et d'Adolphe, on ne voyait que sa tranquillité d'humeur, sa douceur de caractère, sa bonhomie et sa bonté. Comment une pareille femme et un pareil mari, unis l'un à l'autre, n'auraient-ils pas été heureux? Il n'y avait aucun mérite à cela. C'était tout naturel. Dans leur situation, c'était obligé. Cependant, ce bonheur n'était pas aussi parfait qu'il le paraissait, et ce ménage n'était pas aussi heureux qu'on le croyait. Dans cet arbre au feuillage verdoyant et aux rameaux chargés de fleurs que chacun admirait, il s'était glissé un ver qui le rongeait au cœur. Chacun des deux époux avait ses chagrins, et s'ils n'étaient pas aussi graves chez le mari que chez la femme, ils n'existaient pas moins chez tous deux. Adolphe adorait sa femme, et après 5 années de mariage, il était en admiration devant elle. Pour la beauté, l'esprit, l'intelligence, elle était à ses yeux la perfection même. Mais au milieu des qualités réelles ou fausses dont son amour orgueilleux la parait, il ne pouvait pas s'empêcher de voir un défaut. Elle était injuste pour sa mère, à laquelle elle ne témoignait pas la tendresse respectueuse et la reconnaissance que celle-ci était en droit d'attendre. Ce n'est pas impunément qu'on a été élevé par une mère telle que madame Dalifard et qu'on a vécu près d'elle. Malgré la bonté de sa nature, Adolphe avait, par plus d'un côté, subi l'influence maternelle. Et c'était ainsi qu'il se disait que sa femme n'estimait pas sa valeur l'avantage qu'elle avait trouvé en l'épousant. Il lui semblait qu'avec l'intelligence supérieure qu'il lui reconnaissait, elle aurait dû mieux apprécier la situation, et alors, l'appréciant, elle aurait dû être pour sa mère autre qu'elle n'était. Bien souvent, il avait essayé de lui faire comprendre quel devoir cette situation lui imposait, mais toujours inutilement. Juliette n'avait modifié en rien son attitude avec madame Dalifard. Constamment, elle cédait aux exigences de sa belle-mère, mais elle cédait en montrant que c'était parce qu'elle le voulait bien, par prudence, pour ne pas engager une lutte dans laquelle le droit eût été pour elle. Une querelle n'eût pas été plus pénible que son silence hautain. Ah, si elle avait voulu être moins froide, moins fière ou seulement moins impassible. Si elle avait voulu, dans ses rapports, remplacer la politesse par la tendresse, la soumission par la prévenance, comme il eût été heureux. Dans la vie, tout lui souriait. Sa fortune s'accroissait dans une proportion inespérée. Il avait été nommé adjoint au maire de son arrondissement. Le chemin de l'ambition s'ouvrait devant lui facile et honorable. Il n'avait pas un ennemi. Ses employés eux-mêmes l'estimaient et l'aimaient. La santé de sa mère se raffermissait. Son fils grandissait, plein de force et de gaieté. Sa femme, plus belle de jour en jour, l'entourait de soins et d'affection. Sans cette inimitié entre la belle-mère et la belle-fille, son ciel bleu n'eût pas eu le plus léger nuage. Mais cette inimitié qui se manifestait en tout, malgré les précautions que les deux femmes apportaient à la cacher, le tourmentait et l'inquiétait. Du matin au soir, il était obsédé par l'idée qu'une querelle pouvait éclater entre elles. Il s'ingéniait à éviter par tous les moyens les occasions qui pouvaient faire naître une difficulté. Lorsque sa femme et sa mère étaient en présence, un mot de l'une, un regard de l'autre le faisait trembler. À chaque instant, il craignait une explosion, et il n'avait véritablement de tranquillité que quand il était seul, tantôt avec celle-ci, tantôt avec celle-là. Combien la réalité était différente de ce qu'il avait espéré lorsqu'il s'était marié. Juliette, de son côté, accusait le mariage et souffrait de la vie qu'il lui avait créée. Depuis 10 ans, elle était tombée de déception en déception, et tout ce qu'elle avait cru atteindre avait croulé sous sa main. Obligée de travailler par la ruine de sa famille, Elle avait fait de la peinture le but de ses rêves et de ses préférences. Elle serait artiste, elle aurait du talent, elle aurait un nom et une réputation. Pendant 7 années, elle avait courageusement marché vers ce but qui, dans la nuit sombre où elle s'agitait et sur la mer dangereuse où elle luttait, avait brillé comme un phare sauveur. Chaque effort l'en avait rapproché, et au moment où il ne lui fallait peut-être plus que quelques journées de courage et de peine, elle s'était abandonnée et avait lâchement accepté la main qu'on lui tendait pour l'empêcher de persévérer. Si elle renonçait à la peinture, elle aurait un mari à aimer. Elle aurait aussi la paix du foyer et les joies d'un intérieur tranquille. Mais ce calcul de compensation ne s'était pas trouvé juste. Alors, sentant son enfant remuer dans son sein, elle s'était dit que cet enfant remplirait ses journées vides et tristes, qu'elle vivrait pour lui et se dévouerait à en faire un homme. Mais une fois encore, elle s'était trompée et l'enfant lui avait été enlevé. Pas de mari, pas d'intérieur, au moins pas de mari et pas d'intérieur tel qu'elle les voulait, pas d'enfant, et une belle-mère qui dirigeait, inspirait, organisait tout autour d'elle et chez elle. Voilà quels étaient les résultats de ces 5 années de mariage. Quand cette vie changerait-elle? Jamais, sans doute. Tous les jours à venir s'écouleraient comme s'étaient écoulés les jours passés. Régulièrement, chaque jour, de 1 heure à 2, son fils viendrait la voir et, pendant ces 60 minutes, elle aurait le droit de l'embrasser à son aise et de se rouler avec lui sur le tapis de son appartement, jouet et esclave plutôt que mère. Puis à 2 heures précises, après avoir donné un baiser d'adieu à sa maman Adolphe, l'enfant repartirait pour Nogent avec sa bonne maman. Et tandis qu'elle resterait à Paris, sa belle-mère à la campagne soignerait son enfant, dînerait avec lui, le ferait travailler et le veillerait pendant son sommeil. Le samedi seulement, à 2 heures, elle pouvait s'en aller avec lui et aussi avec sa belle-mère. Et jusqu'au lundi à midi, elle l'avait à elle. C'était là son bon temps, qui eût été meilleur encore si la journée du dimanche n'avait point appartenu aux étrangers que Madame d'Alifard se faisait un plaisir et encore plus une gloriole de recevoir. Mais ce temps passait vite et il fallait rentrer à Paris reprendre le cours de sa vie monotone. Ah, si elle avait aimé son mari! Elle avait pour lui de l'estime et de la tendresse. Elle n'eût reculé devant aucun sacrifice pour le rendre heureux. Elle se serait dévouée avec empressement pour lui épargner un chagrin. Mais de l'amour, elle n'en avait point. Au moins n'éprouvait-elle pas cet anéantissement de volonté, cette domination, cette possession dont elle lui avait parlé un jour, alors qu'il la voulait persuader que l'amitié qu'elle l'avouait était de l'amour. Bien souvent, elle s'était fâchée contre elle-même de ne pas éprouver ses sentiments pour un homme qu'il aimait tant, et auquel, en réalité, elle n'avait à reprocher qu'une trop grande faiblesse pour sa mère. Mais les remontrances et les exhortations qu'elle avait pu s'adresser n'avaient servi à rien. Ce n'est pas par ordre qu'on aime, et ce n'est pas par des raisons démonstratives que le cœur se laisse toucher ou prendre. Cependant, si douloureuses qu'eussent été ces heures de tristesse, pendant ces 5 années longues et lentes, jamais elle n'avait laissé échapper un mot de plainte. À qui se plaindre d'ailleurs? À sa mère. Elle était en froid avec elle depuis qu'elle n'avait pas voulu l'écouter et déclarer la guerre à Madame d'Alifard. À des amis? Elle n'en avait point d'assez intime pour s'ouvrir à elle. Et puis, que leur aurait-elle dit et de quoi aurait-elle pu se plaindre? Quelle consolation aurait-elle pu recevoir? Qui l'eût sérieusement écoutée? Qui l'eût comprise? Elle se plaignait, elle, qui avait une belle fortune, un enfant en bonne santé, un mari qui l'adorait. Que lui manquait-il? Que pouvait-elle désirer? N'avait-elle pas tous les bijoux qu'une femme peut porter? Ses toilettes n'étaient-elles pas ce qu'elle voulait qu'elles fussent, sans avoir jamais une note arriérée chez la modiste, la couturière ou le tailleur? Sa voiture n'était-elle pas correctement attelée? Elle n'avait donc jamais parlé à personne de ce qui se passait en elle, et à tous elle avait constamment montré un visage calme, voilé seulement par une légère teinte de mélancolie, qui pouvait provoquer l'intérêt, mais non la compassion. Et pourtant, plus d'une fois, des cris de révolte lui étaient montés aux lèvres. Eh quoi, ce serait toujours ainsi? Les années s'enchaîneraient aux années? et celle qui commencerait serait semblable à celle qui aurait fini, et toujours, jusqu'à la mort, la même monotonie, la même régularité. Et alors, elle se répétait à leurs proches qu'elle s'adressait sans cesse « Pourquoi me suis-je mariée ?» C'était sa faute, et elle était seule coupable. C'était cruauté à elle de peiner sa belle-mère et de ne pas rendre son mari plus heureux. Et sous cette pression, elle s'exhortait à la résignation et au sacrifice. Cette tristesse qui la dévorait était factice. Toute femme à sa place serait heureuse. Que lui manquait-il? On pouvait bien vivre sans aimer. Et ceux-là seuls étaient sages qui savaient se mettre à l'abri de la passion. Ces grands mots d'amour et de passion, qui tiennent tant de place dans la fiction, en tiennent bien peu dans la réalité. D'ailleurs, l'amour ne pouvait être pour elle qu'un crime ou qu'une honte. Depuis qu'elle était mariée, deux fois on lui avait parlé d'amour, et elle s'était détournée, la première fois avec mépris, la seconde avec pitié. Parmi les amis de sa belle-mère et de son mari, se trouvait un vieux beau nommé M. Descloiseau, âgé de près de 70 ans, mais vigoureux encore, sanglé dans des bricoles qui le soutenaient, teint du plus beau noir, rasé deux fois par jour, la bouche garnie d'un magnifique râtelier. M. Descloiseau, qui portait sur sa personne toutes les élégances et dans son cœur tous les vices, s'attachait depuis 40 ans aux jeunes femmes, et à l'affût dans leur ménage, comme un chasseur dans un bois, il guettait celles que l'inexpérience ou un moment d'oubli pouvait lui livrer. Il avait employé ce système avec Juliette, mais lorsque, après d'habiles préparations, il avait cru pouvoir mettre la main sur elle, elle l'avait si rudement repoussé qu'il avait été déconcerté, lui qui ne se troublait jamais. Cette aventure avait inspiré à Juliette un profond dégoût pour ce vieux libertin, en même temps qu'un sentiment de colère contre elle-même. La seconde lui avait au contraire inspiré plus de compassion que d'indignation. Lorsqu'elle venait voir son mari dans son cabinet, elle avait remarqué deux yeux ardents qui ne la quittaient pas. Ses yeux appartenaient à Flavien, qui, dans son inexpérience juvénile, mettait toute sa vie et toutes ses pensées dans son regard. Pendant près d'un an, ses yeux l'avaient ainsi suivi, et elle ne s'en était pas fâchée. Cette adoration respectueuse n'avait rien qui lui déplût. Mais un jour que Flavien classait avec elle des gravures qu'Adolphe venait d'acheter à une vente, il était tombé à genoux, et dans un mouvement de passion irrésistible, il avait baisé sa robe. Sans un mot, sans un regard, elle était sortie, et depuis ce temps, Flavien n'avait plus osé lever les yeux sur elle. C'étaient là les seules crises de passion qu'elle avait rencontrées, et ni l'une ni l'autre n'étaient de nature à la toucher profondément. Ses jours s'écoulaient donc sans autre trouble que ceux qui l'agitaient intérieurement, et tout donnait à croire qu'il en serait ainsi éternellement, lorsque, tout à coup, elle fut jetée sur une pente où elle se laissa emporter, entraînant tout avec elle, son mari, son enfant, sa belle-mère.